Dixmude 1914, les fusiliers marins de l'amiral Renarque s'illustrent lors des combats destinés à stopper la course des armées ennemies vers la mer du Nord. C'est à leur gloire que Paul Goguillot, chef de la musique des équipages de la flotte de Toulon, composa la marche des fusiliers marins.